La police de New York a annoncé qu'un suspect était en détention après le double meurtre d'un imam et de son assistant samedi près de leur mosquée du Queens. Le suspect est un homme de 36 ans, originaire du quartier de East New York à Brooklyn. Pour rappel, l'imam et son assistant, qui portaient des tenues traditionnelles musulmanes, avaient été tués par balle samedi en plein jour dans le quartier d'Ozone Park dans l'arrondissement du Queens. Alors qu'ils marchaient dans la rue près de leur mosquée, un homme armé qui les suivait de près leur a tiré dans la tête. La police n'a pas exclu lundi soir le crime de haine. Enfin, en sport, aux Jeux Olympiques, les Red Lions pourraient s'assurer une médaille ce soir en hockey en cas de victoire face aux Pays-Bas en demi-finale. Nous suivrons également les performances de Evie Van Acker en voile. La course à la médaille devait se dérouler hier, mais elle a été reportée à aujourd'hui suite aux mauvaises conditions météo. Et enfin, en cyclisme sur piste, Yolin Door est actuellement deuxième de l'Omnium. Il lui reste 3 épreuves à disputer sur les 6 au programme. Fun Radio. On démarre la journée ensemble en mode dance floor sur Fun Radio avec dans quelques secondes le duo David Guetta et Zara Larsson, This One's For You, ainsi que le duo belge Dimitri Vegas et Like Mike. Juste avant, que se passe-t-il côté météo, Benjamin, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous? Eh bien, ce mardi sera une journée pleinement estivale, une journée au cours de laquelle le soleil brillera très généreusement en dépit de quelques petits nuages sans conséquence ici et là. Les maxima seront proches de 20 degrés en Haute-Fagne, de 22 degrés à la mer et seront compris entre 24 et 26 degrés dans toutes les autres régions du pays. Prochaines infos à 6h30, tout de suite le retour du son dance floor avec Boosty sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Summer Fun. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feet are on like water. Je me balade dans la rue de ma ville, je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Non, j'ai pas une vie droite. Mais pourtant, mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. Tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. Vous avez choisi Fun Radio et vous avez fait le bon choix pour bien démarrer votre journée avec dans quelques instants Lucenzo et Don Omar juste avant. C'est le duo belge Dimitri Vegas et Like Mike que je vous balance sur Fun. Le temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur Fun Radio. J'espère que tout se passe bien pour vous. Vous avez profité de ce long week-end qui vous était destiné. Long week-end ensoleillé en plus en l'occasion de ce 15 août. Comment ça va bien Coralie ce matin? Ça va et toi? Alors j'imagine que t'as passé toi aussi un excellent week-end. Nous on était au boulot hier évidemment pour vous accompagner en ce 15 août. Et puis comme tous les jours, je vous propose à 6h et quelques minutes de démarrer avec l'éphéméride du jour. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et la rentrée approche à grands pas Coralie, pour vous qui êtes au boulot, encore pour vous les écoliers. Nous sommes déjà, oui, le mardi 16 août 2016. Et le 229e jour de l'année, début de la 33e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. À Armen, Hugoline et Étienne. Bonne fête à vous les amis. D'ailleurs, notre réalisateur s'appelle Étienne, on lui souhaite une bonne fête aujourd'hui. Et puis des stars sont nées en ce mardi 16 août. L'animatrice télé Karine Lemarchand ou encore la chanteuse Madonna sont nées aujourd'hui. Ainsi que le réalisateur canadien James Cameron. Et puis c'est la journée mondiale du jour aujourd'hui. La journée mondiale du cerf-volant. Donc cette journée elle a pour but selon ses promoteurs de faire découvrir le cerf-volant. Parce que bon à l'époque c'était pas connu, parce que tout le monde savait pas ce que c'était. Mmh. Et donc de partager aussi l'art de fabrication et de la manipulation du cerf-volant avec le plus grand nombre de personnes que l'on peut voir. C'est vrai que ça doit être particulier de le fabriquer en tout cas. On pourra en parler juste après car aujourd'hui on parle des lieux de Guindaï les amis. Je suis sûr que vous êtes des grands connaisseurs. On en parle après Dimitri Vegas sur Fun. When the stars start to fall, will you love me, will you call? I need you close, don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. Are still on the run. Never had enough. Never catching us. Never catching us. Never catching us. All these lights got me in a daze. I've been lost. Slept in days. I need you close. Don't run away. Don't run away. I want you by my side. I hope you never leave. I'll just keep holding on. I'll just be all you need. This life is all we know. This life is all we know. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay wild. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Radio. Et 6h14 sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Le duo de David Guetta, Zara Larsson, This One's For You, c'est ce que je vous balance dans un instant. Le temps pour nous, Corrie, de parler du cadeau exceptionnel qu'on a pour nos auditeurs cette semaine. On les envoie directement à la mer du Nord. Exactement, c'est une activité unique qu'on vous propose de gagner cette semaine. Donc si vous êtes à la recherche de sensations et d'une vue et de vues imprenables, donc c'est vraiment pour vous, c'est vraiment l'activité qu'on vous propose. Donc tout d'abord, vous montez à bord d'un engin qui est entre le bateau et le jet ski. Et là, c'est parti pour découvrir un petit peu la mer du Nord et ce qu'elle a à nous offrir. Donc, j'adore. Ceux qui sont fans de sensations vont évidemment adorer. C'est un magnifique cadeau qu'on vous propose. Et en plus, le soleil est de retour, donc c'est vraiment l'occasion d'en profiter. Et pour gagner ça, c'est très simple, il vous suffit d'envoyer mer par SMS au 6322 et on fera le tirage au sort pour savoir qui pourra nous accompagner au wave karting fin août. Fin août, et on a deux fois deux places à vous offrir aujourd'hui, alors dépêchez-vous, mer par SMS au 6322 pour 1€ le message. Voici David Guetta sur Fun à 6h15. On démarre à la journée ensemble sur Fun Radio à 6h18 avec dans quelques secondes le titre qui a représenté l'Eurovision à la France, même la France plutôt à l'Eurovision. C'est Amir et J'ai cherché que je vous balance juste après ça. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Et comme chaque jour, Coralie, tu as consulté les astres pour nous. Allons-nous avoir des bonnes nouvelles côté de l'amour pour les béliers? Ouvrez l'œil, quelqu'un tourne autour de vous, c'est le moment de le voir. Les taureaux, revoyez vos exigences à la baisse, ça évitera les embrouilles. Allez, que se passe-t-il pour les gémeaux? Lancez-vous dans de nouveaux projets excitants avec votre partenaire. Les cancers, avec un dynamisme qui vous ouvrira les portes en grand. Vous avez un dynamisme qui vous ouvrira les portes en grand, pardon. Les lions, faites un vœu, Cupidon est dans votre camp. Les vierges, l'ennui n'est vraiment absolument pas au programme de ce mardi. Les balances. Ne faites rien à moitié si votre but est de monter dans l'estime de votre entourage. Les scorpions, Coralie. Vous manquerez de patience, mauvais point pour vous les scorpions. Les sagittaires. Levez du mauvais pied, rétablissez rapidement l'ambiance ou tout va vous retomber dessus. Les capricornes. Vous allez très bien défendre vos intérêts, votre entourage sera fier de vous. Les verseaux. À force d'en vouloir trop, quelqu'un pourrait se retourner contre vous. Et puis les poissons. Et c'est le moment ou jamais, les poissons, vous savez de quoi je parle. J'espère que vous vous reconnaissez peut-être dans cet horoscope. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir avec nous dès maintenant par SMS au 3044. Et puis Coralie, aujourd'hui on parle des lieux de sortie. Puisque oui, nous sommes le lendemain du 15 août. Vous avez certainement profité du bon temps qui nous était offert hier pour aller, je sais pas, faire un gardaï quelque part en Belgique. Et bien on en discute. Quels sont les endroits les plus branchés, les plus sympas dans lesquels on peut profiter? C'est le sujet du jour. Réagissez dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. On en parle juste après Amir. J'ai cherché sur Fun. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. Soyez quoi que vous fassiez, vous avez fait le bon choix d'écouter Fun Radio avec donc quelques secondes. Dua Lipa et Odeur d'un L côté son dance floor. On se fera également plaisir avec Imani et Don't Be So Shy. Et puis les surprises ne s'arrêtent pas là, je vous cale également un petit Erice, Treffy et Bonne Bonne dans un instant. Alors restez bien branchés, tout ça et bien plus, c'est ce qui arrive juste après ça sur Fun. Je viens d'acheter une télévision chez Vandenborg. Et vous savez quoi? Je peux encore retourner chez eux pour un conseil, une question ou en cas de problème après mon achat. Ils peuvent même m'aider par téléphone. Et si ça ne marche pas, Vandenborg viendra chez moi. Et si ma télé doit aller en réparation, je reçois un appareil de remplacement gratuitement. Alors, si vous me demandez si je suis content de Vandenborg, je peux simplement vous dire, oui, très content. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Une rentrée moins chère plus une rentrée moins chère égale Cora. Tout le monde est d'accord ?

much faster. I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh, he's so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Sur Fun Radio, il est 6h35. Dans quelques secondes, on se fait plaisir avec Iris Treffy sur Fun avec son titre Bon Bon. Le temps pour nous, Coralie, aujourd'hui de parler des lieux de Guindaï, car oui, nous sommes le lendemain du congé du 15 août. On a profité d'un long week-end, évidemment, pour vous qui avez peut-être eu de la chance d'en profiter. Nous, on était là au taquet, on était présents pour l'émission. Tu es sorti ce week-end, est-ce que tu as des endroits à nous conseiller pour sortir en Guindaï? Mais je suis sorti du côté de Bruxelles, près de Jeannekenpiste, pour savoir un petit peu où elle se situe, dans un petit bar qui s'appelle le Delirium. C'est donc la femme de Jeannekenpiste, pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement, voilà, c'est la version fille. Et ouais, je suis sorti là, c'est un bar assez sympa, j'aime bien aller là-bas. C'est pas carrément une rue entière, un village entier, le Delirium, c'est pas ça? Si, c'est un peu ça exactement. En plus, ils proposent plein de bières et moi qui suis fan de bière, j'adore, je suis fan. À boire avec modération, évidemment, toujours, la bière toujours, et, évidemment. Et le reste des alcools. On a aussi, évidemment, les choses qui reviennent le plus souvent dans les endroits à conseiller pour les lieux de Guindaï, c'est les centres-villes de grandes villes. Par bien exemple, sûr. Bruxelles, ici, où nous sommes aujourd'hui, Liège, Namur, Mons aussi, qu'on peut retrouver là-bas. Est-ce que vous avez des lieux de Guindaï? Est-ce que vous avez des endroits, évidemment, à nous conseiller? Dites-le nous dès maintenant par SMS qui aura lieu au 3044 pour 50 centimes le SMS ou encore via la page Facebook de l'émission. La page Facebook Summer Fun, venez la liker et dites-nous donc vos lieux de Guindaï préférés sur, par message. On les lira à l'antenne. Dans un instant, on fait un point sur l'infotrafic du jour. On aura également côté Stone and Floor, Jonas Blue et Lost Frequencies. Juste avant, c'est Rise Treffy sur Fun à 6h36. This is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty, dun, dun, dun.

testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie. I'm Linus. And we are Galantis. On Fun Radio. Le son dance floor. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down. You might knock me down. But I will get back up again. You can call it how you wanna. Au boulot pour vous qui avez peut-être profité du 15 hier à 6h58. Bon courage à vous, on se fait plaisir avec Willy William et Chris Cab dans un instant. Paris, c'est ce qui arrive. Le temps pour nous, Coralie, de rappeler le cadeau exceptionnel qu'on vous offre toute la semaine. Vous allez pouvoir partir sur les bordures de la mer du Nord. Pour venir faire du wave karting avec toute l'équipe de Fun, mais vraiment toute l'équipe de Fun, l'équipe de Summer Fun sera là, ainsi que l'équipe de C'est que du Fun. Et vous allez adorer parce que c'est vraiment une activité que nous on a adoré, en tout cas on a pu tester. C'était franchement sympa, c'était, on est parti durant une journée sur les petits bateaux, donc sur des bateaux rapides que vous allez pouvoir essayer sur la mer du Nord. Et franchement, pour moi qui suis un peu heureux de la mer, vu que j'ai peur de beaucoup de choses, et bah franchement c'est faisable et c'est accessible. On a même à la fin plus de 60 km/h lâché les mains, on s'est mis debout sur le bateau, et franchement Coralie, toi qui étais franchement tranquille ou dedans, c'est franchement, c'est encore une fois fois, franchement, à conseiller. C'est une sensation absolument incroyable et je l'adore. Franchement, c'est un sport que je recommence quand je veux, quand c'est possible du moins. Et j'espère recommencer avec tous les auditeurs. Donc, si jamais vous souhaitez venir faire cette activité avec nous, vous pouvez envoyer mère par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et en plus, on a deux fois deux places à vous offrir ce matin, à 8h15 et à 9h15. Alors dépêchez-vous, mère par SMS au 6322 pour 1€ le message. Bonne chance. Fun Radio. Il est 7h sur Fun Radio, soyez les bienvenus. On s'informe avec Benjamin Verporten. Salut Benja. Bonjour Anto, bonjour à tous. 2500 nouveaux emplois devraient être créés sur le site de l'ancienne usine de Ford à Genk. La région flamande, la ville de Genk et les autres acteurs concernés ont approuvé le master plan du site de Ford Genk. À terme, ce ne sont pas moins de 2500 nouveaux emplois qui doivent être créés sur le site de l'ancienne usine automobile. L'ancien site va être reconverti en zoning commercial pour la manufacture et la logistique fluviale à valeur ajoutée. L'unité de production de Ford Genk aura fermé depuis 2 ans en décembre. Quelques 6000 travailleurs chez le constructeur et au sein des sous-traitants avaient alors perdu leur emploi. Plus d'un tiers d'entre eux n'a toujours pas retrouvé de travail. On reparle du concours médecine. Silencieux depuis son annulation par le Conseil d'État, Jean-Claude Marcourt a réagi dans les colonnes de nos confrères du journal Le Soir. Il dit comprendre l'état d'angoisse dans lequel baignent les étudiants inquiets de leur sort. À ceux qui doivent encore présenter des épreuves, il leur demande d'étudier et de passer leurs examens le plus sereinement possible. Mais le ministre du Supérieur ne veut pas non plus endosser seul la responsabilité du chaos actuel. Il précise que le Conseil d'État n'annule pas le principe d'un concours, mais la manière dont le chiffre de 1230 candidats pour la corde 2021 a été élaboré, un chiffre dévoilé par le fédéral et pas par la fédération Wallonie-Bruxelles dont il est membre. Enfin, il se veut rassurant sur le fait qu'une solution pourra être trouvée mais ne veut pas négocier dans les journaux pour ne pas hypothéquer le sort des étudiants. La Croix-Rouge est en pénurie de sang, les stocks atteignent un état critique. On estime que 70% de la population belge aura un jour besoin de sang, mais que seuls 3% en donnent réellement. Pour répondre aux besoins des hôpitaux en sang, plasma et plaquettes, la Croix-Rouge doit pouvoir compter sur 100 000 donneurs. Actuellement, elle en compte 90 000 et les vacances n'améliorent pas la situation. De nombreux donneurs habituels sont en vacances et les collectes dans les écoles supérieures n'ont pas lieu durant les examens et les vacances. Résultat, dès le mois de juin, les stocks diminue. Un seuil critique a été atteint au début du mois d'août. La Croix-Rouge lance donc un appel aux donneurs. Une fusillade s'est produite hier soir dans le centre de Gand. La police a reçu un appel l'informant qu'un homme se trouvait sur la voie publique avec une arme à la main. Une fois sur place, les policiers ont ordonné à l'individu de déposer son arme, mais il semble que l'homme n'ait pas obéi aux injonctions. Les policiers ont finalement ouvert le feu et abattu l'individu. Le périmètre a ensuite été bouclé par les forces de l'ordre. Selon le porte-parole du parquet, une enquête judiciaire a été ouverte à charge de la victime et à charge des policiers. L'objectif est de déterminer si les tirs des agents étaient justifiés. Dans un instant, c'est Justin Bieber et What Do You Mean qui arrivent sur Fun Radio. On se fera également plaisir avec Bob Sinclair et Someone Who Needs Me. Juste avant, côté météo, Benjamin, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous aujourd'hui? Eh bien, ce sera une très belle journée, une journée au cours de laquelle le soleil brillera très généreusement en dépit de quelques petits nuages sans conséquence ici et là. Les maxima seront proches de 20 degrés en Haute-Fagne, les 22 degrés à la mer seront atteints. Et sur le reste des autres régions du pays, eh bien, on atteindra entre 24 et 26 degrés. Prochaines infos à 7h30, tout de suite le retour du Sundance Floor avec Willy William et Chris Capps sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la. Parce que moi je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, Paris, Paris. Je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. why let's run away forever. I can barely sleep, the city's calling me. I want you to stay. I think I fell in love with the motion, so I could never run too far. Sometimes you wanna cross every ocean just to find a piece of your heart. I can barely sleep, why won't you come to me? I want you to stay. Parce que moi je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, Paris, Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. On démarre sur Fun Radio à 7h06 avec dans quelques secondes Bob Sinclair et Samuano Nitmi. Et c'est ce que je vous cale côté son dance floor dans un instant. Juste avant, Coralie, c'est l'éphémérique du jour. Nous sommes le mardi 16 août 2016 déjà. Et le 229e jour de l'année et deuxième jour de la 33e semaine. Nous souhaitons une bonne fête aujourd'hui à nos amis Armel, Hugoline aussi et à Étienne. Bonne fête à vous les amis. Et puis nous sommes le mardi 16 août 2016 aujourd'hui. Des stars sont nées également aujourd'hui. L'animatrice TV Karine Le Marchand est née aujourd'hui. Sinon aussi la grande chanteuse Madonna que tout le monde connaît. Oui. Et un réalisateur canadien James Cameron. Et puis c'est la journée mondiale du cerf-volant aujourd'hui. Oui, et cette journée a pour but, selon toutes les personnes, ses promoteurs, etc., de faire découvrir le cerf-volant avant qu'il soit connu dans le monde entier. Tout le monde savait pas ce que c'était, qu'on ne sait pas vraiment ses secrets de fabrication. Donc voilà, ils ont voulu partager l'art de cette fabrication justement et de la manipulation du cerf-volant avec le plus de personnes possible. C'est vrai que je me rappelle, moi j'adorais jouer au cerf-volant quand j'étais petit sur la plage. Toi aussi, j'imagine. J'ai jamais réussi à le faire s'envoler. C'est vrai? Oui. Eh bien, ce sera à tester en tout cas cet été. Dans un instant, Justin Timberlake, What Do You Mean? C'est même Justin Bieber qui arrive juste après Bob Sinclair. écoutez Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio. What do you mean? Oh, oh, oh. When in God you had yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're so indecisive. What I'm saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Cause you're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? DJ belge Alec Jarmy, Sweet Afterglow, c'est ce que je vous réserve dans un instant côté son dance floor. Et ça fait du bien pour se réveiller ce matin, 7h13. Juste avant Coralie, on parle de Fabien Feuillage, on l'adore dans l'émission. On le kiffe à fond. Le principe de Fabien Feuillage, c'est très simple, c'est un humoriste qui vient eh bien, tous les jours énerver des inconnus par téléphone. Aujourd'hui, on parle de télévision avec lui, c'est l'extrait de 7h40, écoutez. Allô? Ouais, c'est qui là? C'est la télé? C'est qui? C'est la télé là au téléphone? C'est qui au téléphone? Bah, moi je veux parler à la télé, c'est Fabien Feuillage là. Je connais pas Fabien, hein. Non mais oui, mais c'est bien la télé au téléphone là. C'est Anaïs Télé, oui. Oui, c'est ça. Bon, dis-moi la télé, je veux savoir, y'a quoi ce soir? C'est vrai que parfois il y a des gens, ils sont pas gâtés par leur nom de famille, hein. Et si Anaïs Télé, eh bien elle va être un peu ennuyée par Fabien Feuillage. On découvrira l'extrait tout à l'heure en entier aux alentours de 7h40. On aura également le club buzz du jour dans quelques instants, Coralie, qui va parler de. Il va parler d'une récompense pour des vols un petit peu bizarres. Des vols un petit peu bizarres, ce sera retrouvé dans un instant. On aura également l'anniversaire du jour. Pour vous inscrire, vous envoyez Anif dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Juste avant, c'est Alec Jeremy sur Fun à 7h14. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far. Hey, I know. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far away. Cause I won't fall apart if you keep on living for today. There's gonna be no way, no say to give up on you now. fell so far. Hey, I know I took it upon myself that I can find a way to hide all the dreams I feel so far away. Journée démarre sur Fun Radio dans quelques secondes, les Major Lazer et boum, c'est ce que je vous balance. Et ce sont mes artistes préférés et c'est ce qui arrive juste après ça. Info, scoop, people, médias, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et le Club Buzz Coralie, c'est l'info, l'article qui a buzzé sur le web hier. Aujourd'hui, on parle de glace. C'est quoi d'ailleurs ton parfum préféré à toi? J'adore chocolat. Chocolat. Ah oui. À moi perso, mes deux préférés, c'est évidemment la glace au spéculoos, du 100% belge, et puis la stracciatella domino, c'est qu'on appelle avec des petits morceaux de chocolat dans la vanille. Franchement, ce sont mes deux parfums exceptionnels à goûter absolument. Mais là, rien à voir, on parle de parfums de glace également aujourd'hui, mais de manière un peu différente. On va parler surtout de vol de crème glacée à New York. Donc, c'est un milliardaire ici qui offre depuis vendredi une récompense de 5 000 $. Donc, c'est à peu près 4 500 €, on va dire, entre 4 500 et 5 000 €. Un bon petit salaire, quoi. Voilà. À quiconque pourra arrêter en fait toutes ces personnes qui sont en train de voler tous les glaces. De voler de la glace, comment ça se fait? Écoute, il est propriétaire en fait d'une pisserie qui s'appelle Christette. Je sais pas si je le prononce bien, mais au cas où, je précise, voilà. Donc, il a écrit donc sur Twitter que les voleurs de crème glacée font des ravages dans les supermarchés de New York et il en a marre que ça arrive justement. Donc, il propose 5 000 $ de récompense à qui pourra les arrêter. Il a posté une des photos avec des caddies remplis de pots de glace. Et le pire dans tout ça, c'est que ça se confirme. En fait, il y a vraiment énormément de voleurs de crème glacée parce que plus de 250 plaintes ont été enregistrées à propos justement de ces vols. Donc, ce sont des gens dans les grandes surfaces qui volent les crèmes glacées comme on pourrait voler une canette ou du chocolat. Oui, et il y a déjà eu plus de 130 arrestations depuis le début de l'année 2016. Déjà, oui. Donc, ça, c'est fou. Et donc, d'autant plus, voilà, donc une récompense de 5 000 $ promise par le trentenaire. Par le milliardaire, excuse-moi. Oui, je me perds un petit peu. C'est tellement l'info et waouh finalement. Parce que les crèmes glacées, je trouve ça assez drôle en fait. Parce que je me dis, qui aurait envie de voler de la crème glacée? Bah pourquoi on volerait une canette? C'est la même chose. La canette parce qu'on a soif, la crème glacée parce qu'on a envie de se faire un petit plaisir. Un petit plaisir. Oui, pourquoi pas, c'est vrai que t'as raison. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai envie de dire plein de choses en fait. Et j'arrive pas. Je vois ça. Tu as l'air perturbé par l'info glace en tout cas. Pourquoi pas aller manger une glace aujourd'hui pour se faire plaisir et pour se détendre juste après. Coralie, vous avez un parfum de glace préféré? Vous avez envie de partager simplement ce que vous faites là maintenant avec nous dans l'émission? Comment ça se passe, Coralie, pour interagir dans l'émission? Par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message, ou encore sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Sur laquelle vous retrouvez des contenus, des buzz, cet article également sur la crème glacée volée. Et puis vous retrouvez également toutes des photos parce qu'on a fait. Toutes des photos, ça ne veut rien dire, mais plein de photos parce qu'on a fait une séance photo ce week-end et vous allez pouvoir retrouver nos plus beaux clichés dès aujourd'hui. J'arrive plus à parler non plus, disons que tu m'as contaminé. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Les plus belles photos de Summer Fun et toute la team, ça à retrouver à partir de ce soir sur la page Facebook de l'émission. Et puis d'ailleurs, vous avez envie de venir faire de la radio avec nous, venir souhaiter l'anniversaire d'un pote en direct à l'antenne? Comment ça se passe? C'est très simple. Pour

7 personnes ont été blessées hier dans le parc olympique à la suite de la chute d'une grosse caméra suspendue à un câble et servant à la retransmission officielle des Jeux. Une femme a été évacuée sur une civière et une autre est repartie dans une voiture électrique de l'organisation des Jeux Olympiques avec une Minerve. Et enfin en sport, Renaud Lavillenie n'a pas su conserver son titre en saut à la perche. Le recordman de la spécialité s'est incliné face au Brésilien de 22 ans, Thiago Braz da Silva. Le Brésilien, porté par un public acquis à sa cause et peu fair play avec le Français, a réussi le meilleur saut de sa vie pour établir un nouveau record olympique à 6,03 m. Côté belge, les Red Lions pourraient s'assurer une médaille ce soir en hockey en cas de victoire en demi-finale face aux Pays-Bas. Nous suivrons également la performance de Evie Van Acker en voile. La course de la médaille devait se dérouler hier, mais elle a été reportée à aujourd'hui suite aux mauvaises conditions météo. Et enfin, en cyclisme sur piste, Yolin Dor est actuellement deuxième de l'Omnium. Il lui reste 3 épreuves à disputer sur les 6 au programme. Fun Radio. Dans un instant, côté Stone Floor, c'est Justin Timberlake qui arrive. On sera un petit plaisir avec Maître Gims et Ma Beauté, ainsi que Timberg et Bromance. Juste avant, côté météo, Benjamin, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour le ciel? Eh bien, de très bonnes nouvelles, puisqu'on aura droit à une journée très ensoleillée, malgré quelques nuages à gauche, à droite, sans conséquence. Et les maxima seront proches des 20 degrés en Haute-Fagne, 22 degrés à la mer, et ils seront compris entre 24 et 26 degrés dans les autres régions. Prochaines infos à 8h, tout de suite, le retour du Stone Floor avec Enrique Iglesias sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I Sur Fun Radio, Maître Gims, Ma Beauté, c'est ce que je vous balance dans un instant côté son dance floor. Et juste avant ça, c'est Fabien Feyesh qui nous rejoint, Coralie. Fabien Feyesh, on peut expliquer rapidement qui c'est? Eh ben, c'est une personne qui aime bien appeler des particuliers, on va dire des personnes dans le bottin, pour essayer de les énerver un petit peu. Généralement, il y arrive assez bien. Et ça, ça nous fait le plus grand plaisir. Aujourd'hui, il appelle Madame Télé, écoutez. Fabien Feyesh. Allô? Ouais, c'est qui là? C'est la télé? C'est qui? C'est la télé là au téléphone? C'est qui au téléphone? Bah, moi je veux parler à la télé, c'est Fabien Feyesh là. Tu connais pas Fabien, hein? Non mais oui, mais c'est bien la télé au téléphone là. C'est Anaïs Télé, oui. Oui, c'est ça. Bon, dis-moi la télé, je veux savoir, y'a quoi ce soir? Quoi ce soir? Bah, y'a quoi ce soir à la télé? Ça vous fait marrer? De quoi? Bah, de m'emmerder avec mon famille. Bah, c'est pas la télé au téléphone? Bah, vous avez que ça à foutre là, bah. C'est bon, on peut passer à autre chose. Bah, comment ça? Au revoir. Oh bah, la télé m'a zappé. Allô? Coucou la télé là, c'est encore Feyesh. C'est encore vous là? Oui, dites-moi. Vous avez que ça à foutre. Non mais j'ai une question, il est sympa Jean-Pierre Foucault? Mais va te faire f***, il y en a la f*** de sa gueule. Ah, d'accord. Allô? Coucou. Mais tu me lourdes. C'est Feyesh, j'ai juste une question. Non mais j'en ai rien à f***. Non mais j'ai une question sur le programme. Mais je m'en fous. J'ai juste une question. Allô? Coucou, c'est Feyesh là. C'est toujours la télé au téléphone? Ouais. J'ai une question. Ouais, t'as droit à une question. Après, je te raccroche à la gueule. Ah, super. Alors, est-ce que c'est vrai que Laurent Ronac, ce soir, il va faire cuire des merguez dans Camping Paradis? Non, il fait des chipots, connard. Ah, Tata Jacotte, t'as entendu? Laurent Ronac, il va faire des chipots, hein? Non, ouais, il va pas faire de merguez, il va faire des chipots. Allô? Coucou! C'est Feyesh? Allô? Allô? C'est qui là? C'est qui? C'est Feyesh, Fabien Feyesh. C'est qui toi? C'est Fabien Feyesh. Mais tu nous fous la paix maintenant. Mais ok. Oui mais non mais j'ai... j'appelle. Tu fermes ta gueule. J'appelle la télé. Numéro de téléphone et tu arrêtes de nous faire chier, ok? Mais j'appelle la télé. C'est juste. Appelle la télé. Appelle ta mère, ok? Qu'elle te refasse. Oula. Mais je vais appeler ma mère, mais je suis pas sûr qu'elle soit au courant des programmes télé. Hein. Fabien Feyesh. Fabien Feyesh. Il est sympa, Jean-Pierre Foucault. Il va te faire. Ah d'accord. Fabien Feyesh qui revient évidemment demain aux alentours de 7h40. Dans quelques instants, Corail, on appelle l'un ou l'une d'entre vous pour souhaiter un bon anniversaire. Et oui, les amis, vous souhaitez qu'on souhaite l'anniversaire à vous ou à l'un de vos proches, vous pouvez envoyer Anif par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Et juste avant ça, c'est Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling qui arrive, ainsi que Maître Gims et Ma Beauté. Soit il est bien, on est vous êtes sur Fun, il est 7h42. Je ne t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours, j'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour, je suis devenu mon propre fantôme, face à moi-même je pleure comme un. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délire. C'est une évidence, je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi, tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché. Maintenant tu m'abandonnes, j'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout. Est-ce qu'il est sûr, c'est que non, on vous abandonne pas ce matin, on reste ensemble jusqu'à 9h, vous écoutez Summer Fun avec dans quelques instants le talentueux et beau gosse Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, c'est ce qui arrive. Le temps pour nous d'appeler l'un ou l'une d'entre vous qui fêtait votre anniversaire aujourd'hui. Coralie, aujourd'hui nous appelons Michel qui habite du côté d'Ath et qui fête ses 23 ans aujourd'hui. Oui, et c'est un message d'Antoine qu'on a reçu au 3044 qui voulait souhaiter un bon anniversaire à son oncle. Eh bien voilà justement Michel qu'on va appeler ce matin. C'est plutôt sympa, c'est un beau cadeau d'anniversaire qu'on peut faire, hein, souhaiter un bon anniversaire en direct comme ça à la radio à 7h45 ce matin. Est-ce que Michel va décrocher ou est-ce qu'il a fait la fête hier pour le 15 août? Je pense que c'est tendu. Il a fait la fête, j'ai l'impression. À mon avis, il a fait la fête. On va lui laisser un petit message. Est-ce que Michel est là ce matin avec nous? Allô. Salut Michel, comment ça va bien? Ça va bien. On a reçu un petit SMS au 3044 ce matin pour te souhaiter un bon anniversaire. Tu es en direct sur Fun Radio. Et toute notre équipe se joint à moi pour te souhaiter un bon anniversaire. 23 ans, ça se fête évidemment. Et qu'est-ce que tu as prévu de beau pour ces 23 ans, dis-moi? Bah une fête en famille et après le blocus, je vais sûrement fêter ça avec mes amis. Ah oui, le blocus évidemment qui arrive, t'as beaucoup d'examens à repasser, c'est ça?

Presque 8h sur Fun dans quelques instants. C'est Kungs et Tease Girl qui arrivent côté son dance floor. Le temps pour nous l'appeler Delphine qui a 20 ans et qui habite du côté de Flowin. Salut Delphine. Salut. Comment ça va bien ce matin? Ça va super bien et vous? Mais ça va très très bien. Coralie, on a profité de ce grand week-end effectivement. Oh. Qu'est-ce que tu as fait de ton week-end toi Delphine? J'ai été faire la descente de Lourdes hier avec mes parents. Ah, pas et puis mal. J'ai été manger une bonne glace. Ah bah justement les glaces Coralie, c'était le sujet tout à l'heure de notre clubbeuse. Tu nous appelles parce que tu as envie de souhaiter un bon anniversaire à ton père qui s'appelle Étienne et qui fête ses 46 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait Étienne à cette heure-ci, dis-moi? Il est au boulot déjà. Il est au boulot déjà, bah donc on va lui souhaiter un bon anniversaire. Je te propose que dès qu'il est en ligne, tu lui souhaites toi, on fait ça? Ça va, super. On appelle donc Étienne. Il fait quoi comme boulot ton père? Il est maçon. Il est maçon. Allô? Allô, allô ouais. Papa? Étienne, tu es en allô direct sur Fun Radio ce matin. Toute mon équipe se joint à moi pour te souhaiter un bon, bon anniversaire. Comment ça va bien Étienne ce matin? Ça va bien, oui. Mais écoute, voilà, quoi de mieux que pour fêter ses 46 ans que passer en direct à la radio. C'est ta fille Delphine qui voulait te faire cette petite surprise. D'ailleurs, elle est avec nous par téléphone. Ah bah c'est bien gentil hein. Delphine, tu as un petit mot à dire à ton papa? Bah que je l'aime très fort. Oh, c'est mignon. Oh. Merci beaucoup Delphine. Je vous fais un bisou les amis, passez une excellente journée. Et puis Étienne, encore un bon anniversaire à toi. Vous aussi, vous avez envie de souhaiter un bon anniversaire à l'un de vos proches. Comment ça se passe Coralie? Il vous suffit d'envoyer Anif par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message, je vous rappelle juste derrière. Et puis c'est possible tous les jours, on peut déjà s'inscrire pour demain. Oui, aussi en envoyant Anif, vous dites aussi, même pour un autre jour, vous envoyez la date juste derrière à laquelle vous souhaitez passer. Et nous on vous rappelle. Et c'est très simple, c'est facile, ça se passe comme ça. Fun Radio. Juste avant ça, il est 8h, debout tout le monde, on s'informe en ce mardi 16 août 2016 avec Benjamin Verporten. Salut Benjamin. Bonjour Anto, bonjour à tous. Les congés parentaux sont en pleine explosion chez nous. Les employés qui choisissent de lâcher du lest pour s'occuper de leurs enfants sont chaque année plus nombreux. Entre 2007 et 2016, ils ont augmenté de 74% et la tendance se poursuit puisqu'au cours du premier trimestre de cette année, 1700 allocations de plus ont été payées par rapport à la même période l'an dernier. Ce congé parental est bien entendu un avantage pour l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de l'employé. Par contre, pour les patrons et les services des ressources humaines, c'est souvent un casse-tête, surtout au sein des plus petites entreprises pour lesquelles l'absence d'un collaborateur est difficile à combler. Par ailleurs, l'Union des classes moyennes et le syndicat neutre pour les indépendants se disent favorables à une réorganisation du système. Chaque année, le congé parental coûterait 150 millions d'euros au gouvernement. 2500 emplois devraient être créés sur le site de l'ancienne usine de Ford à Genk. La région flamande, la ville de Genk et les autres acteurs

Sur Fun Radio 8h07. Le duo Matcon et Will William, Keep My Cool, c'est ce que je vous balance dans un instant. Et j'adore ce titre et c'est ce que je vous cale juste après ça. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et Coralie, nous sommes déjà le mardi 16 août 2016. Et le 229e jour de l'année, deuxième jour de la 33e semaine. Nous fêtons des bonnes fêtes aujourd'hui. À Armel, à Hugoline et à Étienne. Bonne fête à vous les amis. Et puis des anniversaires de stars. Des stars sont nés en ce mardi 16 août. Marine Le Marchand, l'animatrice télé, est née aujourd'hui. Karine Le Marchand, non ? Karine Le Marchand, oui. J'ai dit Marine, excusez-moi. Oups. Karine Le Marchand, aussi l'anniversaire de Madonna, la grande chanteuse que tout le monde connaît. Évidemment. Et ainsi que James Cameron, qui est un réalisateur canadien. Et puis c'est la journée mondiale du cerf-volant aujourd'hui. Et oui, et cette journée a pour but de faire découvrir le cerf-volant. À l'époque, quand cette journée a été créée, tout le monde ne savait pas ce que c'était. Mm-hmm. Et surtout de partager l'art de la fabrication et de la manipulation de celui-ci. Et bien comme ça, on saura tout aujourd'hui, Coralie. On a également du cadeau à vous offrir parce qu'on appelle l'une d'entre vous dans quelques minutes. On vous emmène faire du wave karting. On vous offre 2x2 places dans l'émission pour venir nous accompagner toute l'équipe de Fun. Venir aller faire du wave karting. Ah bon ? Venir, allez, ça va aller. Aller faire du wave karting à Newport. Donc si jamais vous souhaitez nous accompagner, envoyez dès maintenant mer par SMS au 6322. C'est 1€ par message. Et le wave karting, pour vous rappeler, c'est une genre de jet ski sur un bateau. C'est donc du bateau rapide sur la mer du Nord. Et c'est ce qu'on vous offre juste après Matcon et Willy William. Et Keep My Cool, c'est ce qui arrive à 8h09 sur Fun. Welcome. Girl, you know. Keep my cool. Ooh, ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Ça me rend fou. Et je suis censé rester cool. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Ça me rend fou. Et je suis censé rester cool. Ooh. Et je suis censé rester cool. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Ça me Comment veux-tu que je garde le contrôle si tu viens me tester? Tu es tout le temps en train de faire en sorte que je pète un plomb et tu le sais, tu le fais exprès. Je fais des efforts et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le size. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Mais quand je te vois, je suis censé rester cool. Ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé, toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe, but keep it low key. I said no worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Yeah, blown off the meter. Repeat to myself, keep cold when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that. toi. Am I supposed to keep my cool? Merci de vous réveiller sur Fun Radio 8h12. Calvin Harris, Rihanna, This Is Too Hard To Come For, c'est ce qui arrive dans un instant. Le temps pour nous de parler des lieux de guirnaille. Vous avez vous aussi des lieux de guirnaille, des choses un peu spéciales comme ça, que des lieux que vous avez à recommander en tout cas pour eh bien sortir durant l'été, sortir quand on est en congé, le week-end, etc. Et ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Et puis on lit tout ça dans quelques instants. On a Anthony qui est avec nous par téléphone. Anthony donc qui remporte ses places pour eh bien le wave karting. Comment ça va bien Anthony ce matin? Très bien, et vous? Mais écoute, très très bien, tu habites où dis-moi? Moi je suis de Bruxelles, centre de Bruxelles. Tu habites Bruxelles, et bah écoute très très bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi Anthony, donc tu viens de l'entendre, tu repars avec tes deux places pour le wave karting, bravo. Ouais. Ah super, merci. Et tu vas pouvoir venir tester tout ça avec nous sur les vagues de la mer du Nord Coralie, et franchement c'est une expérience à recommander. Ah ouais, c'est vraiment super sympa en plus, et on a un max de sensations quand on est vraiment lâché en plein air, on a les vagues, on a la vitesse, c'est vraiment super impressionnant et c'est super cool. Bravo Anthony, je te fais des bisous, à très bientôt, et puis des places merci on a encore à vous offrir aux alentours de 9h. Oui, et mais vous souhaitez vous remporter vos places, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en envoyant mère par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Samy arrive dans quelques minutes avec I'm Sex It Fun. De quoi tu vas nous parler Samy aujourd'hui? Alors de sondages sur le sexe, voilà, ah, vous allez devoir deviner des trucs. Ça a l'air super intéressant, on découvre ça juste après Calvin Harris sur Fun. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Everybody's watching her, but she's looking at you. Oh,

tube Fun Radio. Cigala. Why don't you give me your love? Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Maybe selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. Sur Fun Radio, bon réveil. Le duo Face et Afrojack, c'est ce que je vous cale dans un instant. Le temps pour nous, Corée, de vous rappeler qu'on a du cadeau à vous offrir ce matin du côté de Derbouille Aventure. Et pour ça, on va participer au bat, on va jouer au Battle Fun plutôt si jamais vous souhaitez participer. On va vous passer une chanson qui a été un peu modifiée par notre réalisateur. Le but, c'est de découvrir le titre ou l'artiste. Aujourd'hui, elle est très facile, on va pas se mentir, elle est vraiment simple. Et vous pourrez donc remporter vos entrées pour la Petite Merveille ou encore anciennement appelée Derbouille Aventure. Pour ça, vous envoyez la réponse par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Il y en a quelques petits indices pour vous, évidemment. C'est un DJ suédois qui a 26 ans maintenant. La musique date de 2013 et commence par un W. Je pense qu'on a carrément donné la réponse là. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Vous avez la réponse, vous pensez l'avoir. Vous jouez dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Tirage au sort juste après ça. Je viens d'acheter une télévision chez Vandenborg. Et vous savez quoi? Je peux encore retourner chez eux pour un conseil, une question ou en cas de problème après mon achat. Ils peuvent même m'aider par téléphone. Et si ça ne marche pas, Vandenborg viendra chez moi. Et si ma télé doit aller en réparation, je reçois un appareil de remplacement gratuitement. Alors, si vous me demandez si je suis content de Vandenborg, je peux simplement vous dire oui, très content. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. This is Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Dance floor, dance floor, dance floor, dance floor, dance floor, dance floor. Dance floor. Dance floor. Love me like no one else get you higher. No one else get you higher. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you want? I know when you're gone. You're just looking for a little. I said, hey, would you come with me? I say, hey, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. I said, pas dans un instant, c'est Martin Solveig et Deoro qui arrivent sur Fun. Et juste avant, il est 8h32 sur Fun Radio, on s'informe avec Benjamin Verporten. Salut Benja. Bonjour Anto, bonjour à tous. 2,4 milliards à trouver pour le gouvernement fédéral. Les experts se rassemblent aujourd'hui pour trouver des pistes afin de permettre l'équilibre des budgets 2016 et 2017. Première tâche, dégager les pistes, trouver les zones dans lesquelles les ministres vont pouvoir manœuvrer pour corriger, tirer et rééquilibrer les comptes. Mais où le gouvernement va-t-il chercher cet argent? Aucune certitude, mais déjà des pistes évoquées dans la presse ce matin. Dans le journal L'Écho, il y a ce projet de réforme de l'impôt des sociétés au profit des PME, un projet sur lequel le ministre des Finances, Johan van Overtveld, doit plancher. L'Europe, de son côté, impose un retour à l'équilibre pour dans 2 ans. Les chiffres du bureau du plan sont d'ailleurs éloquents. Il faut trouver 7,8 milliards d'ici à 2018.

8h38, soyez les bienvenus sur Fun Radio. Martin Solveig, Do It Right, c'est ce que je vous réserve dans un instant. Le temps pour nous d'accueillir Vicky, qui est notre gagnante de jour. Comment ça va bien, Vicky, ce matin? Ça va super bien, merci. Qu'est-ce que tu as prévu pour cette journée de mardi? Oh bah, j'ai prévu du boulot. Ah bah, c'est pas mal ça, hein, c'est bien. Hein. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Vicky. Tu as retrouvé le Battle Fun du jour. Est-ce que... Eh ben, on va réécouter l'extrait modifié pour voir. On y va? Oui. Avec comme indice aujourd'hui, titre de 2013, son vrai nom, c'est Tim Bergling. Il a 26 ans et c'est un DJ suédois. Est-ce que tu as la bonne réponse? Oui, je pense, c'est Wake Me Up. Wake Me Up de Avicii, bonne réponse. Ouais. Oui, c'est Souvenir de Kemer. Ah, ça c'est sûr, on t'envoie du cadeau à la maison, ma Vicky. On t'envoie ton entrée pour aller au parc La Petite Merveille qu'on appelait avant Turbie Aventure. Donc voilà, tu pourras passer une journée là-bas et profiter un petit peu de faire de l'acrobranche et toutes les activités que le parc propose. Je te fais des bisous, Vicky, génial. À très bientôt. C'est gentil, gros bisous à vous, bonne journée, merci. À bientôt, Vicky. Dans quelques instants, on parle de sexe avec toi, Samy. De quoi tu vas nous parler? Eh ben, j'ai prévu quelques chiffres pour vous, des sondages, et vous allez devoir deviner de quoi ça parle. Eh bien, on a à tester dans quelques instants. On aura également, Coralie, quelques infos à vous donner par rapport à l'invitation du vendredi, puisqu'on vous accueille en studio pour venir faire l'émission avec nous. Juste avant ça, côté Stone and Floor, c'est Drake qui arrive et Martin Solveig à 8h39. Bon éveil, vous écoutez Fun Radio et nous sommes en direct jusqu'à 9h. Sexe dans quelques secondes sur Fun à 8h42 et on aura à côté son dance floor Drake et One Dance et c'est juste après ça. I'm sexy and fun durant l'été. I'm sexy and I know it. Ou pas. Et Samy, tu nous rejoins aujourd'hui pour parler de quiz sexuel. Exactement, comme je suis un homme intelligent, n'est-ce pas? Tout à fait. Et que je m'informe régulièrement sur les dernières actualités et phénomènes de société, je vous ai prévu quelques chiffres sur la sexualité qu'il va falloir deviner. Tu vends du rêve, en tout cas, ça donne envie. Alors numéro 1, 16% des couples ne le font que rarement. 16% des couples ne le font que rarement, Coralie. Bah l'amour. Non, non, 16% ce serait quand même Il faut commencer facile. Un club échangiste. Non, c'est pas ça. L'hypertinage. Ouais les gars, vous allez chercher trop loin, hein. C'est un truc simple. Donc 16%. C'est un truc que normalement tous les couples doivent faire. Dormir ensemble. Non. Le faire hors du lit. C'est hors du lit, ouais. Hors du lit. Manger ensemble. Non. Le faire dans la douche. Le symbole de l'amour, c'est quoi? S'embrasser. Voilà. Ils s'embrassent pas. Il y a 16% des couples qui s'embrassent rarement sur la bouche. Ah ouais? Voilà. Quand même. Il y a 35% qui disent qu'ils s'embrassent tous les jours et 39% qui disent seulement pendant l'acte. Voilà. C'est triste ça quand même. Ouais, c'est vrai que c'est triste. Deuxième statistique, 17%. 17%. Alors ça concerne un moment de la journée, hein, je vous donne un indice. C'est le matin? Non. 17% préfèrent le faire le soir. Ah ça, c'est presque ça. C'est presque ça. Ah, préfèrent le faire le... C'est pas le soir. L'après-midi? Non. Le matin? Non. La nuit? Ouais. Ah. Donc en fait 17% c'est le nombre de personnes qui aiment se faire réveiller en pleine nuit pour faire l'amour. Ah ouais. Et toi, non, moi tu me réveilles la nuit, tu reçois une tarte. Sinon 34% préfèrent le soir, 29% en plein milieu de journée quand on s'y attend pas, et 20% au petit matin. Ça je ne pourrais pas. Les coquins. Voilà, troisième statistique, c'est déjà arrivé à une femme sur cinq. C'est pas très chouette. Coralie. C'est vraiment pas chouette. Que ça reste coincé? Non. Directement. Les gars, vous avez vraiment cherché trop loin. Bah non. Alors, c'est déjà arrivé à une femme sur cinq se faire surprendre par ses enfants. Oh. Ah. Ça, ça doit vraiment pas être chouette. C'est ça, ah non. Bah ça peut être drôle. Non, doit pas être drôle. Pour l'enfant aussi. Non, ça doit être traumatisant surtout. Et puis, petite note positive pour les célibataires, parce que je sais que depuis le début de cette chronique, ils se disent « et moi là-dedans ». Bonne nouvelle pour vous, il y a un sondage qui a été publié la semaine passée par une université en Californie, et d'après cette étude, les célibataires seraient plus heureux que les couples mariés. Ah bon ? Voilà, le célibat serait signe d'une vie épanouie, qui a plus de sens et d'authenticité. Bah ça dépend comment on vit son célibat. Toi comment tu le vis, Coralie, ton célibat? Moi je suis pas célibataire, je vois pas de quoi tu parles. Moi mon copain m'attend à la maison là, je vais rentrer d'ailleurs. On l'embrasse d'ailleurs, bisous à lui en tout cas. Merci beaucoup Samy en tout cas pour toutes les infos qu'on retrouve dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. Dans quelques secondes on fait un tour du côté de l'agenda du jour. Qu'y a-t-il à faire à Bruxelles, en Wallonie? On va tout savoir avec toi Coralie. Côté Sound and Floor, c'est le DJ Neil Van Zandt qui arrive, ainsi que Drake et One Dance. Et c'est juste après ça. Party all night all summer. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique, c'est sur Fun Radio. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oh, c'est trop long les vacances cette année. Ouais, je trouve aussi. Vivement la rentrée pour regarder le profil de toutes les nouvelles nanas de notre classe, mater leurs photos de vacances, vérifier leur statut pour voir si elles sont célibes, en couple ou du genre compliqué, les inviter à me suivre sur Instagram pour qu'elles voient que je suis un mec cool, continuer à chatter avec toi en illimité même si on est assis côte à côte, et faire des battles de Pokémon Go pendant les cours de Monsieur Dupré. Il a trouvé une tête de Pikachu lui. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Il me faudrait bien un nouveau smartphone, tiens. Pour la rentrée, chez Proximus, profitez d'un iPhone 6S à seulement 99€ avec un abonnement Smart Plus Phone 45. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Le son Dance Floor. Try so hard to get away. Think about you every day. Try so hard to live without. But no, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain. Set sail. Heat wave. Hey.

8h54 sur Fun, bienvenue. Un petit souvenir qu'on se donne dans la suite avec Matt Houston et Positif. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Juste avant, Coralie, tu as fait un petit récap de tout ce qu'il y a de sympa à faire aujourd'hui à Bruxelles et en Wallonie. On commence avec le Chicago Tegaki. Chigoto Tegaki. On y était presque. On y est presque, oui. Alors, dans le cadre de l'été sur le Japon, je vous propose un atelier d'écriture pour les amateurs de la plume, encore pour ceux qui voudraient découvrir une toute nouvelle activité. Donc, oser se surprendre, découvrir ses talents d'écrivain et explorer les plaisirs d'écrire dans les mots d'ordre de cette animation. Ça se passe où, dis-moi? Ah, ça se passe place du centre numéro 14 à 6120 Naline. Et c'est ouvert à tout le monde? Et c'est à partir de 15 ans. Plus d'infos sur internet. www.biblio.amsureurnaline.be. Là, on change complètement d'endroit, on part du côté de Fontaine-l'Évêque. Oui, pour une activité cocotte et histoire. Donc ici, vous devrez faire fonctionner la cocotte et laisser le hasard choisir l'histoire du jour. Tous ensemble, vous entrerez dans un monde imaginaire fait de surprises, de créativité, d'activités et de moments merveilleux. Mais les cocottes, c'est un peu comme avant, les cocottes en papier, c'est ça? Oui, les c'est exactement que ça. Tu mettais en main et tu disais vert, bleu, ça, oui. Oh, tu fais des pompes. Et donc, ce sera à faire en tout cas du côté de Fontaine-l'Évêque. C'est ouvert aux enfants, je pense. Oui, de 3 à 12 ans. Et c'est des infos sur internet, hein, site internet peut-être. www.eftchantier.be. Merci beaucoup Coralie, toutes les infos à retrouver dès maintenant sur funradio.be. Voici Matt Houston. Papa t'a dit de ne pas plier. Et non, faut pas plier. Oh non, non, faut pas plier. Je sais, faut pas oublier. Oh, oh, oh, oh. Restez positif dans mon tête. Faut pas oublier. De ne pas plier, plier. Ne laisse pas tomber. Oh non, ne laisse pas tomber. Même si dans la vie, les choses sont dures et que c'est la détresse. Si la crise progresse, c'est qu'on laisse les mauvais gouverner. Tu dois faire les bons choix. Le Saint-Père fera le reste. Même si t'as pas beaucoup de money, pas besoin de l'amour qui nuit. Laisse ceux qui ont besoin de ça, l'ami, pour pouvoir exister. Toi ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier. Restez positif dans vos têtes. Faut pas oublier. My brother, my sister. Même si c'est pas easy. Restez positif dans vos têtes. Faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas plier. Pour défler, il faut danser.

Dans un instant, côté Sun Dance Floor, c'est Lloyd qui débarque avec le meilleur du Sun Dance Floor justement. Cheat Code, c'est ce qui arrive dans un instant. Ellie Goulding également. Juste avant, côté météo, est-ce que la journée démarre bien, Benjamin? Eh bien, la journée démarre bien et ça va se confirmer puisqu'aujourd'hui il va faire très bon, même très chaud. Ah. Les maxima seront proches de 20 degrés en Haute-Fagne, 22 degrés à la mer et on ira entre 24 et 26 degrés dans les autres régions du pays. Et maintenant, c'est Carlo qui vous informera dès midi. Quant à moi, je vous retrouve demain dès 6h. Tout de suite, le retour du Sun Dance Floor avec Cashmere sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun Radio. Fun Radio. Le son. Floor. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? Fun Radio, on démarre la journée ensemble avec dans quelques secondes Amir et J'ai cherché, c'est mon coup de cœur du moment et je vous le fais partager dans quelques secondes. Le temps pour nous Coralie de rappeler l'opération de cette semaine puisqu'on vous offre eh bien justement plein de sensations fortes pour partir à la mer du Nord. On vous envoie du côté de Nieuport pour accompagner toute l'équipe de Fun faire du wave karting. Alors qu'est-ce que c'est pour vous expliquer un petit peu? C'est une sorte de gros bateau qui ressemble un petit peu à un jet ski. Et vous pouvez monter à une vitesse de plus de 60 km/h, profiter de toutes les sensations que la mer peut vous offrir avec ses vagues et tout le vent évidemment qui le bon vent de la mer du Nord. Et on a Laurent qui est avec nous par téléphone, il a 32 ans, il habite du côté de Bercel. Comment ça va Laurent? Bonjour. Comment ça va bien ce matin? Ça va bien dans les embouteillages. Ah, je suis content de vous savoir. Ah bah c'est ça, tu vas pouvoir justement passer le temps en écoutant le meilleur du son Dance Floor qui arrive dans quelques secondes. Et juste avant, Laurent, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On t'envoie du côté de Nieuport. Tu repars avec de place pour le West Karting. Bravo. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Tu vas pouvoir profiter de cette action qui est super sympa, Coralie, parce que nous, on l'a testé et franchement, ça cartonne. On a kiffé de fou. Franchement, on avait fait ça avec toute l'équipe de Fun et on a adoré. Et donc, tu vas pouvoir repartir avec tes places, Laurent. Je t'envoie tout ça à la maison. Je te fais des bisous. Excellente journée à toi. À très bientôt. Merci beaucoup, Fun Radio. Vous êtes les meilleurs. Bonne journée. Bisous Laurent, puis Coralie, on vous invite dans nos studios pour faire l'émission avec nous entre 8h et 9h. Comment ça se passe pour s'inscrire? Il vous suffit d'envoyer un mail à anto@funradio.be ou encore sur la page Facebook Summer Fun. Vous pourrez venir passer toute la matinée avec nous dans le studio pour assister à l'émission, y participer et surtout prendre le petit déjeuner avec nous juste par la suite avec notre boulangerie partenaire L'Artisan. Qui en plus est une boulangerie mais aussi un traiteur. Il propose plein de choses super sympas, des plats du jour pour pas cher. En plus, à retrouver chez eux, ça se passe du côté de la chaussée d'Alzenberg, ici à Forêt. Le meilleur de son dance floor, c'est ce qui continue jusqu'à 13h avec notre ami Lloyd qui est de retour. Comment ça va Lloyd? Bah ça va, tranquille. C'est vrai qu'il est de retour, t'as pas pris de vacances toi non plus hier. T'étais avec nous au taquet. J'étais là, ouais, tranquille. Jour férié, on est là tous les jours. Hein. Bah évidemment, en direct comme chaque jour. On continue, nous, Coralie, sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe pour nous suivre? Bah sur la page Facebook de l'émission Summer Fun, venez liker la page, envoyez-nous des messages, on les lira demain tout au long de l'émission ou encore sur le Snapchat Fleurus Radio pour voir tous les coulisses. Et quant à nous, on se retrouve demain dès 6h les amis pour Summer Fun. D'ici là, Lloyd, je te laisse l'antenne. Vas-y, fais-toi plaisir. Bonne journée Antoine, nous on est parti jusqu'à 13h sur Fun Radio dans un instant. Chic Cause avec Sex. Il y aura aussi également Ellie Goulding Light. Et voici Amir, j'ai cherché sur Fun, bienvenue. J'ai cherché un sens à mon lit. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. I had a way then, losing all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now. The dark is too hot.

about sex. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Hello tout le monde, c'est Lloyd, très content là de vous retrouver sur Fun Radio. On passe la matinée ici ensemble. J'espère que votre week-end de 3 jours s'est bien passé, que vous avez bien fêté le 15 août. Nous on est parti jusqu'à 13h avec que des tubes qui arrivent sur Fun Radio. Liam Summers dans un instant, The Chainsmokers avec l'excellente voix de Daya. Il y a aussi du son belge avec Milo Hauling at the Moon et puis Mom. Direction Hawaï, c'est Aloha que je vous cale juste après ça sur Fun. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Après avoir traversé un désert, affronté une tempête musicale et devancé Neil Armstrong, Tintin est de retour à Bruxelles avec la STIB. Dès le 25 juillet, découvrez les cartes Moby Basic Tintin en boutique et kiosque à l'achat de 10 voyages. Dépêchez-vous, c'est une édition limitée. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Je ne veux plus de ton amour.